ouais, ils sont jaloux, ils nous en veulent à nous. Je suis pas bien, je m'efforce, je m'efforce. Je peux pas vivre sans vous, je suis pas bien, je m'efforce. Je m'efforce à ne plus vivre des moments à nous. Pourquoi ils sont jaloux?